existimantis aut emilum esse ergo vetatu venerunt et adei et regni rimant iu intercognatus et Nazareth, Adam. ist. Et omnes Jerusalem accudillo, et congregantum des principis sacerdotum et scribas populi, scisit amatur ab eis, ubi Christus nasceretur. Trantis, et Trantis, oh!